Alpes de Haute-Provence là. Mais je compte déménager vers la fin, enfin, vers la fin de l'année. Ouais. Non, je suis pas connu du tout, mais qu'est-ce que je pourrais envoyer? Je sais pas. Je fais toujours les mêmes accords, putain. Donne-moi des accords, sinon j'essaie des accords simples qui te plaisent. À l'écrit. Every time I see. give you every night. I'm with you. I'll say, okay, baby. Place to feel. just go. Just the last matches I was to give her.